Cours numéro 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Wa nabda bi'idhnillahi 'azza wa jalla fi hadha al-yawm fi Darsin Jadid, toujours dans notre série de cours fi al-aqida, sur la croyance des salaf. Wallahi alhamd, on a terminé al-iqtisad fi al-i'tiqad de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayhi, c'était notre premier livre. Thumma, ensuite on a étudié ensemble al-qawa'id al-mutla de Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Et à partir d'aujourd'hui, on commence la troisième risala fi tafsir Asma'illahi al-Husna de Cheikh As-Sa'di rahmatullah alayhi. Et le dernier cours dimanche, walillahi alhamd, on a lu certaines paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah wa ghayruh sur l'importance de hadha al-ilm, l'importance d'étudier le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi ar-risala qu'on a choisi, wa hiya jam'un li ba'd kalam al-imam as-sa'di rahimahullah, wa hiya mukhtasara, c'est pour ça qu'on l'a choisi, elle est assez courte et elle est très très simple, et fiha khayrun kathir. Et al-mu'allif, il a rassemblé des paroles de Cheikh Sa'di de plusieurs de ses livres. Enfin, il a cité fi al-muqaddima wa huwa al-docteur Ubaid ibn Ali al-Ubaid, un oustad fi al-jami'a al-islamiyya fi al-Madina. Il a rassemblé les paroles de Cheikh Sa'di wa qala, à la page numéro 9, il a cité al-masadir, et ça c'est important, et les références qu'il a choisies parmi les livres de Cheikh Sa'di. فقال اولا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, اي تفسير الشيخ سعدي رحمه الله. Dans son tafsir, il a cité, dans certaines nusakh, ils ont cité son kalam dans l'introduction, et il a expliqué beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième livre, Taysir al-Latif al-Mannan fi khulasati tafsir al-Qur'an. Et c'est le résumé du tafsir. Wa hadha al-kitab il est nafis jiddan. Il a résumé le tafsir, lakin par thème. Mathalan, le premier thème, al-Tawhid. Et il a cité des versets importants fi al-Tawhid et il les explique. Thumma al-Salah. Thumma al-Zaka wa al-Siyam wa al-Hajj. كذلك في باب المعاملات البيوع والنكاح. فسأ تفسير جميل, une خلاصه, ils l'ont imprimé en un mujallad, il est très très important. Et bien sûr, dans ce livre, il a expliqué certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك توضيح الكافيه الشافيه, et c'est l'explication de an-nuniyah de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, la célèbre poésie de l'imam Ibn al-Qayyim dans l'aqida. Le cheikh Sa'di a un sharh mukhtasar. كذلك الحق الواضح المبين, c'est une explication de certains vers de Nounia toujours. Et le cinquième livre, المواهب الربانية في الآيات القرآنية, كذلك il a choisi في هذا الكتاب النفيس certains versets du Coran Karim, il les a expliqués, il les a classés par thème. هذا il est important. Le sixième livre, بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار, c'est une risala nafisa kadhalik. Il a expliqué rahimahullah 99 hadiths min jawami' kalim an-nabi alayhi salatu wassalam. Ce livre ressemble à al-arba'un an-nawawiyya de l'imam an-nawawi, avec des hadiths très courts lakin avec un sens très très vaste. Il a rassemblé 99 hadiths rahmatullah alayhi, il les a expliqués bi-ikhtisar. Et le dernier livre, majmou' al-fawa'id, majmou' al-fawa'id wa intiqas أو اقتناص plutôt الأوابد. هذا الكتاب c'est عبارة عن فوائد. Il traite plusieurs sujets et il cite des leçons à tirer dans plusieurs thèmes et il a expliqué certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut ajouter un livre de Shir Sa'di, wa ma adri, pourquoi al-mu'allif, ou plutôt celui qui a rassemblé Kalam Shir Sa'di dans ce livre, ma adri, limada, il n'a pas cité le livre Fathur Rahim, al-Malik al-Allam, fi ilm al-aqaid wa al-tawhid wa al-akhlaq wa al-ahkam al-mustanbita min al-Qur'an. Et le premier chapitre, il a expliqué les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. لعله اكتفى avec les références qu'il avait déjà et il a vu que peut-être le kalam il était presque pareil فاكتفى بهذه المصادر والا هذه الرساله كذلك لنافعه جدا فنبدا ونسال الله سبحانه وتعالى الاعانه والتوفيق والسداد المقدمه الى سيده الابواب طيبه لكن تقدمت معنا في القواعد المتلى اي Par exemple, il a cité un bab, un Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas que 99 noms. Wa hada wa lillahi alhamd taqaddam ma'ana. Les règles qu'on a vues, fi al-qawa'id al-mutla. Faqala al-ilah, le premier nom, al-ilah. Qala al-shikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Vous avez on ne citera pas les références d'Aiman. À la fin de chaque kalam, vous avez un numéro, et fi al-hashiya, en bas de la page, vous avez la référence. Mathalan, la référence de cette explication du nom d'Allah al-Ilah, fastafadaha min al-haq al-wadih al-mubin. C'est la parole de Cheikh Sa'di dans ce livre, al-haq al-wadih al-mubin. On ne citera pas à chaque fois hadan. On cite son kalam ou yakfi. La référence, elle est citée. Kadhalik, chaque nom qu'il cite, waffaqahu Allah, et celui qui a rassemblé kalam Cheikh Sa'di, en bas de la page, dans les notes de page, il cite al-dalil min al-Qur'an al-Karim. فقال هنا الإله إذن الحاشية قال والدليل ودليل هذا الاسم قال الله تعالى إنما الله إله واحد الشاهد إله فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الإله قال رحمه الله on revient à la parole de Cheikh Sa'di والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله وأن اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والله أعلم هذا الاسم on détaillera l'explication dans le اسم suivant اسم الله عز وجل لفظ الجلال ce qu'il faut retenir هنا أن الإله الحقيقة c'est أصل اسم الله لفظ الجلال الإله ils ont retiré الهمزة انتبهوا لفظ الإله tu as un ألف ثم tu as un لام ثم tu as الهمزة ثم tu as un لام ثم tu as الها الإله أو si tu enlèves ألف واللام إله ils ont enlevé الهمزة فاجتمعت لامان Les deux lames, ils sont restés à l'écrit, là, quand tu prononces qu'un lame, avec une shadda et t'appuies, Allah. Al-Ihada, le sens de l'Ilah et Allah, c'est le même. C'est pour ça que Al-Mu'allif, juste après, il a cité l'Afdul Jalala et il a cité l'explication de Shir Sa'di en détail. Qawluhu wal-Ilah wal-Jami' li jami' sifat il-Kamal wa nu'ut il-Jalal, faqad dakhala fi hadha al-ism jami'u al-asma il-Husna. Kama sayati ma'ana, quand on détaillera, l'explication de l'offre de Jalal. قال ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله. Ça c'est le قول الصحيح. قول السيبوي رحمه الله وغيره. وأن اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والله أعلم. On passe au deuxième nom pour détailler معنى الإله et l'offre de Jalal Allah. قال رحمه الله الله والأدلة كثيرة في القرآن الكريم لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى il a cité هذا الاسم des milliers de fois un peu moins de 3000 fois يقولون فأدلة كثيرة على هذا الاسم المحقق il a cité ودليل هذا الاسم قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم كذلك قوله بسم الله الرحمن الرحيم كذلك قوله الحمد لله رب العالمين. فآيات كثيرة. قال رحمه الله: الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قوله المألوه سأمونتخ هذا أن أصل لفظ الجلالة الله الإله، لأن إله إلي على وزن فعال بمعنى مفعول أي مألوه معبود. فقوله الله هو المألوه المعبود، المألوه سي سلوي كي يعدغي، المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا التعريف الجميل يا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يلغدي أن الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لكن هذا الأثر لضعيف عن ابن عباس، فيه ضعف، لكن المعنى لجميل. Même si dans la chaîne de transmission il y a une faiblesse, et un Ibn Abbas il aurait expliqué le nom d'Allah Azza wa Jal par cette signification, lakin la chaque que le sens il est sahih et il est jamil. Allah Azza wa Jal, c'est qui? C'est Dhul Uluhiyya wal Ubudiyya. C'est celui qui mérite l'adoration. Ala khalqihi ajma'in, c'est haqqullah subhanahu wa ta'ala ala jami' al-ibad. كما تقدم معنا في كتاب التوحيد حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هذا حق الله سبحانه وتعالى على جميع العباد. فتستفيد من هذا الاسم العظيم. Et ça, ça nous montre, comme on a vu ensemble dimanche dans la muqaddima, dans l'introduction de ce cours, l'importance de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الاسم que chaque musulman connaît. بل حتى غير المسلمين يكونس هذا الاسم. Il a un sens عظيم. والله سبحانه وتعالى c'est qui? C'est ذو الألوهية والعبودية. C'est celui qui mérite l'adoration. على خلقه أجمعين. Tout le monde est concerné. كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc si on connaît le sens de ce nom et on aime ce nom et on veut mettre en application, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Retiens هذا التعريف. C'est la base de notre dîn. C'est معنى la ilaha illallah. C'est pour ça que quand tu prononces akhil karim al-shahada et tu dis la ilaha illallah, فالilaha c'est qui? C'est Allah. Tu as les deux noms, al-ilaha et Allah. Tu comprends al-ma'na annahu la ilaha ay la ma'boud بحق إلا الله. Ça te montre que Allah c'est lui le ma'boud بحق. C'est pour ça que هنا tu as une explication très très simple. أن الله عز وجل c'est le ma'louh المعبود. C'est lui qui mérite l'adoration. Ceux qui sont adorés من دون الله عز وجل, que ça soit une pierre ou un arbre ou un mort ou un saint ou un ange, هذه العبادة c'est une عبادة باطلة. Et c'est du shirk et c'est du kufr. Et ça annule l'islam. هذا الشخص si se prétend muslim ou s'il était muslim. Et si c'est pas un muslim, ça montre son kufr biwudu' annahu il adore autre qu'Allah. هذا سلمون هذا الاسم. Et inshallah on essaiera d'appliquer cette règle pour tout le livre. L'essentiel c'est de connaître le sens. هنا tu as le sens. Allah c'est celui qui mérite d'être adoré. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Ça vient du mot ilah, al-ilah. Wal-ilah, c'est al-ma'louh, c'est celui qui mérite d'être adoré, seul, azza wa jal. كذلك, après avoir saisi, compris le sens, une fa'ida azima pour nous, en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que croyant, en tant que talabat al-ilm, on essaye d'apprendre hada al-ilm pour mettre en application, annana, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. On n'a pas le droit d'adorer un mort. On n'a pas le droit d'avoir peur d'un mort. On n'a pas le droit d'espérer d'un mort. On cite l'exemple du mort. On n'a pas le droit de se prosterner pour autre qu'Allah. On n'a pas le droit de sacrifier pour autre qu'Allah. On n'a pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. Dans une chose qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous donner. On n'a pas le droit de placer notre confiance en autre qu'Allah. Limada. لأن on adore Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on le connaît avec ses noms et ses attributs. Et parmi ses noms, Lafdul Jalal Allah est celui qui mérite l'adoration. Et من العجائب ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية أن في بعض الأضرحة التي تعبد من دون الله à notre époque dans certains mausolées qui sont adorés من دون الله عز وجل dès que tu rentres عند الباب يا Lafdul Jalal بسم الله الرحمن الرحيم ربما des ayats tu rentres il y a des ayats sur les murs ربما le tissu avec lequel il couvre le mausolée il y a des versets du Coran et il y a Lafdul Jalal. ثم تتروف واحد من هؤلاء qui prononce لفظ الجلال matin, midi, soir, ربما il fait salat la chèque qui prononce shahada c'est ceux du muslim ثم quand il approche devant la tombe يركع ويسجد il lève les mains et il pleure et il demande à ce mort il n'a pas compris لفظ الجلال et s'il a compris et عياذا بالله فهذا c'est encore plus grave ça nous montre l'importance de connaître هذه الأسماء comme on a cité ensemble dans la muqaddimah. Le but, c'est pas d'accrocher à هذه الأسماء, de faire des cadres. Vous avez remarqué, ils font beaucoup des cadres avec l'offre de Jalal. Allah, c'est brodé, c'est doré, c'est embelli. Et les musulmans, ils aiment cette chose à cause de leur ignorance. Les mains ils aiment Allah, et ils aiment ces noms. Thumma, tu les trouves. S'ils sont touchés par une chose, un de leurs enfants, ils tombent malades, ou eux-mêmes, ils tombent malades, ou ils cherchent du travail, ou ils n'ont pas d'argent, ou ils sont touché par la sécheresse ou autre, tu les trouves, la première chose qu'ils font, ba'dhum, walillahi alhamd, pas tous, kathir min al-muslimin, walillahi alhamd, ils sont à la khair, lakin ba'dhum, tu les trouves directement, ils vont voir les sorciers. Directement, ils demandent aux morts. Ba'dhum, ils demandent aux djinns. Ba'dhum, ils désespèrent. Limada al-jahl. C'est pour ça que celui qui connaît ces noms, khasatan hadha al-ism al-azim, lafdhu al-jalal, بإذن الله عز وجل va mettre en application son dit. Un autre tambih qu'on peut faire ici et c'est valable pour tout le livre, on n'a pas besoin de traduire هذه الأسماء. لماذا؟ لأن هذه الأسماء c'est des أعلام كما تقدم معنا في قاعدة المثلى. أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. Tu peux pas traduire un علم et tu n'as pas besoin في الحقيقة. Tu peux donner une explication ou une traduction d'un ism pour expliquer à un nouveau lakin la na'tamid ala hada et certaines traductions elles sont fausses certaines traductions elles sont qarib matalan ar-rahman il traduit par le tout miséricordieux c'est qarib lakin si tu connais le ism anta et tu connais le sens avec kalam ahl al-ilm khastan si tu étudies ce genre de risala avec des versets du Coran avec des hadith ila akhirah tu verras que ça sera anfa' Amma, certaines traductions, elles sont pas bonnes, elles sont fausses, et on n'en a pas besoin. Kathirun minan nas, ils traduisent l'afdul jalala Allah par Dieu. Wa hadha sab'id jiddan. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est celui qui mérite l'adoration seul. Et Dieu, ta'lamoun anna les kuffar, ils l'emploient pour autre chose. Pardon, ils disent que c'était des divinités grecques, pardon, ils disent que c'est autre chose. Al-Muhim, c'est pas une traduction d'Allah. Azza wa jal. Est-ce que anta, tu as besoin de traduire ton nom? Tu n'as pas besoin. Tu t'appelles Mohammed, tu t'appelles Abdelaziz, tu t'appelles Abdelrahman, tu ne vas pas traduire ton nom. Ton nom, c'est ton nom. Falimada, traduire هذا الاسم. Khasatan ta'lamoun anna al-kuffar, ils voient très très loin, a'da'ullah. Ils le traduisent, huma, limada, li'annahum, c'est pour écarter le musulmin du sens, du din, de la langue arabe, ila akhir. C'est pour ça que tu trouves, ba'd al-makhadil, ba'd al-dullal, ils osent même plus, khasatan, on parle fi bilad al-kufr. Mais fi bilad al-islam, ils n'ont pas ce problème. Fi bilad al-kufr, ils osent même plus dire Allah. Ils disent Dieu. Dieu a dit. Je trouve khutba kamila ou un dars entier, ou bama d'une heure, ils ne prononcent pas marra lafd al-jalala en arabe. Limala, li anna, ka anna, ils sont rentrés dans le système, fi al-haqiqa, anna, hada al-ism, il fait peur. Al-kuffar, yuharibun hada al-ism. خاصة إذا أضيف إلى إلى إلى صفة أو وصف عظيم كم الله أكبر يحاربون هذا الآن pour eux الله أكبر الآن c'est devenu le slogan des terroristes c'est une mauvaise chose لهذا tu peux être condamné et certains muslims ils se sont fait condamner à cause de التكبير alors que التكبير c'est quoi c'est لفظ الجلالة الله avec une معنى عظيمة أنه c'est الأكبر c'est الأكبر أكبر من كل شيء Et si c'est Al-Akbar, fait, il mérite l'ibada et on doit placer notre confiance en lui. Il a akhrif, Wallahdul Jalala, avec Al-Takbir, Allahu Akbar, il a une ma'na azima. C'est pour ça que le Mu'adhin, il le dit pendant l'Aden, c'est pour ça qu'on le dit pendant la Salat. Et Al-Kuffar, tout cela, ça les dérange. على كل حال نحن en tant que musulmans فنعتز بهذا et on dit Allah, on n'a pas besoin de dire Dieu. حتى الكافر الآن n'importe quel kafir ou la plupart ils savent que les musulmans ils adorent Allah, même eux ils le disent en français الآن. Mais pourquoi on le traduirait من هذا الباب كذلك أنهم ils ont traduit ou ils ont plutôt déformé le nom du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Ils disent pas Muhammad, ils disent Mahomet, alors que ça n'a rien à voir, c'est Muhammad. Tu n'as pas besoin de le traduire, et si tu veux le prononcer en français tu dis Muhammad. C'est pour ça que, et vous avez remarqué, Al-Kuffar, quand ils ont, si je prends l'exemple à l'école, ils ont un élève qui s'appelle Mohamed, ils disent Mohamed en français, ils disent Mohamed. Et quand c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent Mahomet. Ça c'est min ghazwi al-Kuffar. Alors, on n'a pas le droit de rentrer dans ce système. On apprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye de les enseigner à nos enfants, les enseigner aux musulmans, et on leur montre l'importance de respecter hadhihi al-asma. Fa min asma illahi azza wa jal, Allah, on peut le prononcer. Il manque une chose, c'est le deviner. On donne un peu de temps. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite l'adoration, seul. Azza wa jal. Qala, lima tassafa bihi min sifat al-uluhiyya allati hiya sifatul kamal. Qawluhu lima. Et ça c'est pour montrer la cause. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il mérite l'adoration? لأنه متصف بصفات الألوهية التي هي من صفات الكمال. Et on verra dans ce livre, ولله الحمد, et dans d'autres livres, on a déjà cité beaucoup de أوصاف من أوصاف الله سبحانه وتعالى. C'est le خالق, c'est le créateur, c'est le كريم, il donne à qui veut, c'est le رزاق, c'est أرحم الراحمين, c'est le حي, c'est le قيوم. Tous ses attributs, Kadhalik, il est capable de tout, il voit tout, il entend tout. Tous ces awsaf, ça doit pousser l'être humain à adorer son créateur. Qala wa akhbara annahu Allah alladhi lahu jami' ma'ani al-uluhiyya wa annahu huwa al-ma'luh al-mustahiq li ma'ani al-uluhiyya kulliha allati tujib an yakuna al-ma'bud wahdahu al-mahmud wahdahu al-mashkur wahdahu المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. C'est pour ça que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala بعلم il va حقق هذا. Il va avoir peur que d'Allah. Il va se soumettre qu'à Allah. Il va placer sa confiance qu'en Allah. Il va être reconnaissant envers Allah أولاً. ثم s'il est reconnaissant envers les serviteurs, il n'oublie pas الأصل, la base. Il a tout ce qu'il a comme bienfait, santé, argent, enfant, وقبل ذلك son dîn, sa religion. Tout ça c'est un fadl min Allah. Qala wa ismu Allah huwa al-jami' li jami' al-asma' al-husna wa as-sifat al-ula wallahu a'lam. Sayati ma'ana anna ba'd al-ulama yaquluna annahu al-ism al-a'zam. Qawluhu wa ismu Allah huwa al-jami' li jami' al-asma' al-husna. Vous avez remarqué que ça soit fi al-Qur'an ou fi as-sunna ou kadhalik quand on parle, quand on veut citer les noms d'Allah, on dit les noms d'Allah. On ne dit pas les noms de Rahman ou les noms de Al-Aziz. On dit les noms d'Allah, tout le monde cite les noms. Ça nous montre que l'afdoul jalala Allah, comme il dit ici, c'est le jami' li jami' al-asma'ul husna. Qal Allahu azza wa jalla wa lillahi al-asma'ul husna. Qal wa lillah. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il a al-asma'ul husna. Ibn Qayyim rahimahullah, il a un kalam jamil mukhtasar fi hadha. Naqra de cette rissala, on en a parlé dans le dernier cours. Ils ont rassemblé kadhalik les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah sur l'explication des noms d'Allah azza wa jal dans ce livre. فقال ابن القيم رحمه الله وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il englobe tout l'essence de tous les autres noms. لأن الله سبحانه وتعالى c'est celui qui mérite d'être adoré. لماذا؟ لأنه c'est le خالق. Tu as le nom الخالق, le créateur. لأنه c'est le رحمن, c'est le رحيم, c'est le حي, c'est le قيوم. Et tu peux citer tous les noms. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكلام il a cité les références من مدارج السالكين. ثم قال في بدائع الفوائد ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله. تأمل هذا. Quand tu cites des noms, tu dis Al-Aziz, Al-Karim, Al-Qawi, Min Asma Illah. Tous ces noms, c'est des noms d'Allah. Ça nous montre que Allah, c'est Al-Jami' de tous ces noms. قال ابن القيم رحمه الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن. Tu dis pas هذا. Tu dis pas Allah, ça fait partie des noms du Rahman. Min Asma Rahman. Là, en général, tu dis Al-Rahman, c'est Min Asma Illah سبحانه وتعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى انتهى. فهذا سنجو pour détailler قليلا la parole de العلامة الشيخ سعدي رحمه الله. قال واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والله أعلم. فإذا تدبر اسم الله عرف أي si tu médites sur ce nom et tu prends du temps. En Allah Azza wa Jal, c'est Dhul Uluhiyya. Et c'est celui qui mérite l'Uluhiyya ou l'Ubudiyya. Et l'adoration seule. Toutes les œuvres que tu fais pour te rapprocher dans ton din, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. La ghayr. Limadha li annahu c'est Al-Qadir ala kulli shay. Falou, ha'oula ubad al-qubur. Ceux qui adorent les tombes, qui adorent l'aulia, s'ils réfléchiraient un peu, pourquoi demander à un mort? Le mort, il ne peut pas te donner. Si tu lui demandes à ce bachar, est-ce que le mort, il peut te donner? Il te dira là. La preuve, tu peux te rester debout des heures, des jours, des années devant lui, il ne te donnera rien. Lakin, iyadun billah, ils ont des choubah qu'on a détaillé ensemble, fi kashfi ash-shubuhat. Fa law ta'ammala hadha al-insan, annahu, si tu veux faire une demande, mathalan, wahed, il veut avoir des enfants, il n'a pas d'enfants. Il est marié, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Qui c'est qui peut te donner? Un sorcier, il ne peut rien donner, il ne cherche que l'argent. Voyez que libre al-nas, c'est des menteurs. Tu vas demander à ton voisin, à ta famille, ils ne peuvent rien faire. Il te reste Allah subhanahu wa ta'ala. Belle, tu dois commencer par ça. L'imana li'an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq. Yahabu li man yasha'u inathan wa yahabu li man yasha'u dhukur. Hakada qala azza wa jil. C'est le wahhab, c'est lui qui donne. Pourquoi aller demander à un daif? هذا قوله فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الألوهية وهي كمال الصفات والانفراد بها. On a cité un exemple avec le wahhab, avec le khaliq, avec le razzaq. Tu as besoin de te marier, demande à Allah. Tu as envie d'avoir un enfant, demande à Allah. Tu cherches du travail, demande à Allah. Tu veux la guider, demande à Allah. Tu veux l'ilm, demande à Allah. La tout'ib nafsak ma'annas. Les gens, ils sont au va'if. Antumul fuqara ilallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le ghani. Fakay billah alaykum délaisser, ne pas demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a toutes ses attributs parfaits. La générosité, ar-rahma, c'est lui qui donne, c'est lui qui guide. Thumma, demander à un va'if qui peut rien te donner. Et Rabbama, tu lui demandes, il ne peut pas te donner, il t'humilie, il te rejette. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de lui demander et il aime quand on lui demande. Si tu as compris tout ça, Akhil Karim, celui qui ne demande pas Allah subhanahu wa ta'ala ou qui demande à un autre, il est dans un égarement wadih, un égarement clair. Le mu'min, il fait des efforts fi hadha al-bab, fi bab al-tawhid. Et كذلك demander à autre qu'Allah, adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. Et on a déjà expliqué كثيراً ensemble la gravité d'adorer autre qu'Allah. قال وعدم الشريك في الأفعال لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب ويخضع له لأجلها. Pourquoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala? لأنه له صفات الكمال. On peut citer deux exemples. En Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui récompensera al-abd avec le jannah. C'est pour ça que tu l'adores. Tu espères la récompense. Deuxième chose, en celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala ou qui adore autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il risque le châtiment. Allah, il est capable. Falimada, adorer autre. Qala, wal-bari. Al-bari, ça y a ti-ma'na, ça ressemble au khaliq, le créateur. لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه. Et vous vous rappelez de هذا الكلام dans une قاعدة في الصفات في القواعد المثلى de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune imperfection, aucune faiblesse, aucun défaut, aucun manquement. Bel, les attributs d'Allah, ils sont parfaits. من كل الوجوه. قال أو يؤله أو بعبد لأجل نعم يا خطأ هنا أو يؤله أو يعبد لأجل نفعه. إيه نعم هذا خطأ. Ils ont oublié un point. قال أو يؤله أو يعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره فيجلب النفع لمن عبده فيدفع عنه الضرر. فتأمل هذه المعاني الجميلة. قال أو يؤله أي pourquoi on adore Allah سبحانه وتعالى parmi les causes, les raisons. قال لأجل نفعه وتوليه ونصره. نعم لأن الإنسان لا شك il a des besoins. Tu as besoin de la guider أولا. Tu as besoin de manger, tu as besoin d'être protégé. L'insan, il a des ennemis, min shayatin al-ins wa al-jin. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est qadir, qui est capable. فَلِهَذَا قَالَ لِأَجْلِ نَفْعِهِ وَتَوَلِّهِ وَنَصْرِهِ فَيَجْلِبَ النَّفْعَ لِمَنْ عَبَدَ فَيَجْلِبُ النَّفْعَ. النَّفْعَ, c'est tout ce qui est profitable pour toi, akhi al-karim. مِنْ صِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ وَمَالٍ وَهِدَايَةٍ وَحِفْظٍ. Que ce soit la protection, le fait d'être préservé, l'argent, la guider, de quoi manger. Tous ces manafi, hadhihi al-masalih, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les donne. Comme a dit Azza wa Jal, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Toutes les ni'mes que tu profites et hadhihi al-dunya, c'est min Allah. قَالَ فَيَدْفَعْ عَنْهُ الضَّرَرْ كَذَلِكَ الضَّرَرْ. Que ce soit عِيَدًا بِاللَّهَ الْكُفْرْ ou les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la mauvaise santé, ou une chose qui peut te faire du mal parmi les animaux autres, tout ça, celui qui préserve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces ma'ani qui citent là, on verra ensemble des noms. تقدم معنا أن لفظ الجلالة, ça renferme le sens de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا هنا il cite beaucoup d'exemples. وإلا فvous verrez اسم الجبار, اسم الرزاق, اسم الكريم, اسم الرحمن, تسا انظر سمعاني بإذن الله عز وجل أن تتعين. قال ومن المعلوم أن الله تعالى هو الملك أو هو المالك لذلك كله. prends exemple de ce nom المالك. كذلك الملك, كذلك المليك. انظر ces trois noms, il y a une معنى عظيمة. أن الله سبحانه وتعالى له صفة الملك, il possède tout. Parmi les causes qui doivent nous pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Malik. Vu qu'il possède tout, on doit l'adorer. Mais celui qui possède tout, il peut te donner, il peut te prendre. Tu dois l'adorer. Azza wa Jal. قال وأن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أترك الله سبحانه wa ta'ala فلا يملك لنفسه شيئا. Nous, maintenant, tu ne possèdes rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité certaines choses, il nous a donné. Wa illa fasi min mulkillah. Hatta ce corps, ton corps, il ne t'appartient pas. Il a un haq sur toi et tu dois faire des choses et tu dois éviter des choses. Ta'abudan illahi subhanahu wa ta'ala. Falihada, l'être humain rendra des comptes hatta sur son corps yawm al-qiyama. Limada, lianna ce corps, hada al-jism, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est min mulkillahi subhanahu wa ta'ala. L'imam a demandé à un va'if qui ne possède rien. C'est comme si tu demandes de l'argent à un pauvre qui n'a rien. Est-ce que ça rentre dans la raison? Tu vas demander à quelqu'un qui n'a rien? L'imam a demandé à un être humain, enfant, au guidé, au argent, au bonne santé, alors que l'insan lui-même, il a besoin de ces choses. Ça nous montre que celui qui ne connaît pas le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fera beaucoup de mal à son dîn et كذلك sa raison elle aura des failles, des problèmes. عيادا بالله. قال فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه وأناب إليه في كل أموره. فتأمل أخي الكريم هذه المعاني العظيمة. سي tu as compris le sens de هذا الاسم. فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه. Si tu as compris le sens de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tu seras convaincu, et chaque musulman est convaincu, أن الله عز وجل, c'est lui le مألوه, c'est lui qui mérite l'adoration. Qu'est-ce que ça va provoquer هذا في قلبك؟ أوجب له أن يعلق بربه حب. Ça va te pousser à aimer encore Allah plus, à aimer Allah encore plus. لماذا لأنه il t'a donné, il te guide, il te comble de ses bienfaits, leilan wa nahara. Il te demande rien en échange, Azza wa Jal. Il te demande faqat de l'adorer. Et cette adoration, tu trouveras, si tu as compris le sens de ces noms, et tu as compris l'aqidatu, as-salaf, et tu as compris le tawhid, hatta cette adoration, tu la feras bimahabba. Arihna biha ya Bilal. Hakada kana yaqul le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour la salat. Arihna biha. C'est une raha pour eux. C'est une raha. Pourquoi l'un on a du mal avec la salat, avec certaines ibadat, c'est lourd avec l'ilm? Plus tu auras des faiblesses, plus tu auras des faiblesses dans la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens, plus tu auras du mal à adorer Allah azza wa jal. Ça deviendra comme une corvée. Ba'dannas, tellement que c'est lourd, si on prend l'exemple de salat, tellement que c'est lourd, il la délaisse. Athqal as-salat ala al-munafiqin al-isha wal-fajr. Pourquoi? Même le munafiq, il ne croit pas en tout cela. Il fait apparaître faqat. C'est pour ça que quand il peut délaisser, à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, al-isha wal-fajr, il n'y avait pas des lumières comme à notre époque. Donc personne ne les voyait. Ils restaient chez eux, ils dormaient la salat ou la shay. Quand c'est dhuhr, la lumière, tout le monde sort, ils vont au masjid et ils font salat avec le Nabi salam pour montrer faqat, on est des muslimines. Alors qu'au fond d'eux, ils ne croient pas. Enfin, plus l'insan, il a des faiblesses, plus il ne connaît pas son dîn, il ne connaît pas ses noms et ses attributs, ça sera dur. بعض الناس تعلمون أن les 5 صلوات c'est quelques minutes والله أن هذه الصلوات أثقل عليهم من الجبال c'est aussi lourd pour eux que des montagnes. Tu peux le trouver, هذا il reste 2 heures ou 3 heures dans la salle de sport. ربما il porte des charges très très lourdes. Une salade de 2, 3, 4, 5 minutes ما يستطيع. لماذا? Et on a notre dîn, c'est pas avec la force corporelle. Là, notre dîn, c'est plus tu connais hada, tu mets en application, tu arriveras. Tu trouveras des shayabat. Tellement qu'ils aiment Allah Azza wa Jal, des vieilles personnes. Tellement qu'ils espèrent la récompense et la akhirah. Rabbama, il reste des heures debout fi salat. Que ça soit fait tarawih ou autre. Tu trouves un autre, son cœur, il est rempli de shahawat. Et il connaît pas mitla hadhihi al-ma'ani, et il n'arrive pas à faire une salat. C'est trop lourd, il peut pas. Ayyadan billah. قال أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه كذلك الخوف celui qui connaît هذه الأسماء et qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, il n'aura peur, il ne craindra qu'Allah azza wa jalla. Pourquoi je vais avoir peur d'un être humain? Il peut rien me faire que si Allah il veut. بعض الناس تعلمون ils ont peur de l'djinn yadam billah. Il est dans une maison, il ne sait même pas si un djinn, il a peur. Peut-être qu'un autre djinn va venir, il faut qu'il sacrifie une bête dans cette maison pour qu'il n'y ait pas de djinn. Pourquoi hatta cette peur elle s'en va? Il sacrifie pour le djinn et ayyadan billah il perd son islam. C'est fondé sur hada. Pourquoi tu aurais peur? Tellement qu'ils ont peur de leur patron, ils ne peuvent pas faire salat. Tellement qu'ils se sont écartés de hada l'ilm, des années sont fait l'amal, ils n'ont pas fait le hajj alors qu'ils ont de l'argent. Et maintenant, les gens, ils ne peuvent pas demander. Ils pensent que s'ils demandent, son patron, son employé ne voudra pas et peut-être qu'il n'aura plus de travail. C'est quoi qui lui fait peur? C'est hada. C'est hada. Son cœur, vu qu'il n'y a plus le khouf min Allah, l'insan, wa hadi khuduha qa'ida, an l'insan labud an yuhib, wa yakhaf wa yarjo. Ça, c'est obligatoire. L'être humain, il a été créé comme ça. Tu es obligé d'avoir peur, aimer et espérer. C'est celui qui n'a pas peur, qui n'espère pas, qui ne craint pas, qui n'aime pas Allah Azza wa Jal, il aura peur et il espérera, il craindra, il aimera autre chose. Labud. Labud. Allez, hada ba'd an-nas, ils ont peur l'un de al-mustaqbal, de l'avenir. Donc ils ont délaissé leur dîn, les malades, ils pensent à l'avenir. Kanahu, il va vivre éternellement. Al-muwaffaq, c'est celui qui pense à son avenir. Haqqan. Ay, an-Allah Azza wa Jal, s'il connaît hada l'ism, il connaîtra, il saura أن الله عز وجل c'est le ma'boud, et il ressuscitera les êtres humains pour les interroger, les questionner sur هذه العبادة. Ça commencera dans le qabr. من ربك ما دينك من نبيك. Les trois questions, ça commencera. فالموفق il commence par هذا. كذلك ورجاء. L'espoir. احذر d'espérer, d'attendre من البشر. Le bachar il est ضعيف. Même s'il te donne, c'est bi'idnillah. Et aujourd'hui il te donnera quelque chose, demain il ne te donnera pas. Et même s'il te donne, ça sera quelque chose de très limité. Là, espère min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis aux croyants al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a promis la guidée, il t'a promis al-hayat al-tayyiba. Faqad fais des efforts dans ton din. Qala wa anaba ilayhi fi kulli umuri. Na'am, al-inaba. Ça ressemble à tawba. لماذا لانه يكونترا يسورا سكي الله عز وجل فصلا فلوسي ا ميم سي في دي فوت اون ا توس دي فيبلس اون ا توس دي مانكمون لكن ميم سي في دي فوت دي بيشي فالانابه والتوبه اي يرفين اي يسوربون قال وقطع الالتفات الى غيره من المخلوقين ممن ليس له من نفسه كمال ولا له فعال ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Et هذا العلم, هذه المعرفة, ça va pousser هذا الإنسان à une ibadah عظيمة, التوكل. Il va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا قال وقطع الالتفات. الالتفات c'est le fait de se retourner. وهنا c'est une ishara pour montrer à espérer des autres, attendre des autres. هذا المؤمن il va couper هذا, il espère que d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain ne peut rien te donner. Et même s'il te donne quelque chose, ou il t'aide avec une chose, min jihad al-sabab, en tant que cause, ça reste une cause. On ne l'élève pas au-dessus de la cause. Wa illa fa une cause, ça peut t'aider, ça peut ne pas t'aider. Amma a'zam min dhalik, c'est celui qui a créé cette cause, c'est Allah Azza wa Jalla. فلهذا قال وقطع الالتفات الى غيره من المخلوقين ممن ليس له من نفسه كمال. L'être humain est ضعيف. L'être humain il a des manquements, il a des besoins. Il a été créé pour adorer, il n'a pas été créé pour qu'on l'adore. قال ولا له فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إلى سيدي هذا الذكر العظيم. كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Ça c'est un trésor parmi les trésors du paradis, هذا الذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. Si on a compris هذا الذكر, ça nous permettra de ne plus attendre des autres. On placera notre confiance en Allah. فلا حول ولا قوة. لا حول c'est le fait de changer de situation. مثلاً de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la bonne santé, de l'égarement à la guidée. Celui qui est capable de te faire changer de situation, c'est Allah. لا حول ولا قوة. Celui qui a le قوة, qui est capable, c'est Allah. فلهذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et vous avez remarqué que هذا الذكر العظيم, c'est un trésor parmi les trésors du paradis, il y a لفظ الجلالة Allah. هذا الكلام الجميل انتهى من المواهب الربانية من الآيات القرآنية. ثم il a cité une فائدة. هنا قال وقد سئل الشيخ رحمه الله عن الاسم الأعظم من أسماء الله هل هو اسم معين معروف أو اسم غير معين ولا معروف. أولا نغيكابيتول أن لفظ الجلالة الله وكذلك اسمه الإله c'est المألوه المعبود, c'est celui qui mérite d'être adoré. Et si vous arrivez à retenir le ta'rif de Ibn Abbas أو ما نسب إلى ابن عباس et on a dit les ضعيف رضي الله عنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فزان تعريف طيب. أي celui qui mérite l'adoration seul. وتقدم معنا أن هذا الاسم اسم عظيم. لماذا؟ لأن il englobe les sens de tous les autres noms. Tous les autres noms ils reviennent à هذا الاسم. فالله سبحانه وتعالى سي الرحمن سي الرحيم سي الكريم إلى آخره كما تقدم. فلهذا الشيخ سعدي رحمه الله أو بلوتو المؤلف, celui qui a rassemblé les paroles de Cheikh Sa'di rahimahullah, il a cité une parole de Cheikh Huna. Est-ce que, après avoir compris le sens de Allah, est-ce que c'est l'ism al-a'zam amla? Al-ism al-a'zam, si un mu'min il invoque avec هذا الاسم, فالله سبحانه وتعالى lui répond. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الاسم الأعظم. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه il a cité 14 قول. بعض الأقوال ضعيفة, elle repose sur pas grand chose. وبعض الأقوال فيها قوة. فالعلماء اختلفوا كثيرا في هذا الباب. Et tu peux partager leur aqwal en deux. وبعض العلماء قالوا أن الاسم الأعظم il est pas معروف, il est pas connu. وبعض العلماء قالوا si النبي صلى الله عليه وسلم nous a encouragé à faire du'a avec الاسم الأعظم, c'est qu'on peut le connaître. Et c'est ça le sawab. ثم ceux qui disent que الاسم الأعظم il est connu, كذلك اختلفوا. بعضهم ils ont dit qu'il y a que les prophètes et certaines personnes qui le connaissent et les autres ils peuvent pas le connaître. وبعض العلماء ils ont dit si tout le monde peut le connaître et c'est le sawab. ثم ceux qui ont dit أن هذا الاسم الأعظم il est connu, on peut le connaître, فاختلفوا. وبعضهم ils ont dit c'est Allah. Et ça c'est قول كثير من أهل العلم. وبعضهم ils ont dit c'est الحي القيوم. الإمام ابن القيم رحمه الله il a choisi هذا القول. وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بعضهم ils ont dit c'est يا ذا الجلال والإكرام, ذو الجلال والإكرام. بعضهم ils ont dit c'est الصمد. وبعضهم ils ont dit c'est الرحمن. فعلى كل حال المسألة demande un بحث plus approfondi qu'on fera pas ici. Et Cheikh Saadi a un autre قول. Cheikh Saadi a un قول, avant de lire, on résume, أن pour lui, الاسم الأعظم, c'est pas un nom précis. Là, chaque nom qui englobe beaucoup de sens, comme le nom Allah, enfin pour lui, c'est من الاسم الأعظم. الاسم الأعظم عنده, c'est pas un اسم معين. Là, c'est un جنس. Et tous les اسماء qui englobe beaucoup de sens, c'est من الاسم الأعظم. هذا c'est un قول. Et قول كثير من أهل العلم c'est أن الاسم الأعظم c'est Allah عز وجل. Et الله أعلم, ça demande des recherches plus approfondies. فنقرأ كلام قال فأجاب بعض الناس, أي أجاب الشيخ سعدي, بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة, وهذا ظن خطأ. Ça c'est un قول parmi les قول qu'on a cité. بعضهم disent que هذا c'est réservé que pour certains, que pour les awliya, que pour les pieux, les prophètes. وهذا c'est pas صحيح. فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته وأثنى على من عرفها. صحيح. الله سبحانه وتعالى il a encouragé ses serviteurs à l'invoquer avec ses noms parfaits, avec الاسم الأعظم et autres. Donc ça montre qu'on peut le connaître. قال وتفقه فيها ودعا الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعاء مسألة ولا ريب أن الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر. أي نعم. يا أكن دليل ك الاسم الأعظم on peut pas le connaître أو que c'est réservé que pour certains. فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه. Toutes ces ma'ani, inshallah, on détaille pas, on a, ça viendra. Ism al-Jawad, on verra est-ce que c'est un ism in asma illah am la. Ism al-Karim, il est thabit, on verra inshallah le sens. قال وهو يحب الجود على عباده ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فالصواب. Donc, il a démontré que l'ism al-A'zam, il est connu. Donc ça, c'est pour montrer que ceux qui disent qu'on ne peut pas le connaître, leur kalam, il est pas juste. ثم il a choisi un قول هو قال فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى وكل واحد منها عظيم. Ça nous montre أن أسماء الله عز وجل كلها bien sûr عظيمة وكلها حسنى. Pourquoi? Parce qu'elle renferme des attributs parfaits كما تقدم كثيرا. Et ça nous montre كذلك أن أسماء الله عز وجل تتفاوت. Tu as des noms, ils sont meilleurs que d'autres. C'est comme Al-Kutub. Kutubullah subhanahu wa ta'ala, c'est tous la parole d'Allah Azza wa Jal. Lakin, afdal Al-Kutub, c'est le Qur'an. C'est comme le Qur'an Al-Karim. Kulluhu kalamullah wa kulluhu azim. Lakin, le meilleur des versets, c'est Ayat Al-Kursi. Donc, mas'alat al-tafadul, elle est ma'roufa. Ça ne veut pas dire que le reste, il y a un manquement abadan. Qala, walakin al-ism al-a'zam minha, kullu ism مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات. Ça, c'est un qawl. Cheikh Saadi, il a choisi Adal qawl, al-ism al-a'zam. Donc, c'est pas un ism faqat. Là, ça peut être plusieurs noms. L'essentiel, c'est que ce nom, ou ça peut être deux noms comme al-hayy, al-qayyum, il peut être murakkab de plusieurs mots, dhul jalali wal ikram. L'essentiel, c'est que ce nom ou ces noms, ils renferment un sens très très vaste. Ou il enferme, il englobe le sens des autres noms. Donc là, chacun a pour Cheikh Saadi, Allah, c'est min al-ism al-a'zam. Wa hakada al-hayy wal qayyum, wa hakada al-samad, wa hakada al-rahman, et d'autres noms. Qal mitl Allah, ay lafdul jalal, fa innahu al-ism al-jami' li-ma'ani al-uluhiyya kulliha. وهي جميع أوصاف الكمال ومثل الحميد والمجيد فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله تعالى والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة والجلال ويقرب من ذلك الجليل والجميل الغني الكريم. Tous ces noms, inshallah, on les verra ensemble dans notre étude. Donc pour lui, pour Cheikh Saadi rahimahullah, tous ces noms, c'est من الاسم الأعظم. Si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, Allah subhanahu wa ta'ala, il te répondra. قال ومثل الحي القيوم فإنه الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني الذات. فلهذا يقولون أن الحي s'englobe, ça renferme toutes les صفات كاملة الذاتية. لأنه الحي, il a un visage, il a des mains, il a du ilm, il a la qudra, il a akhir. Il sait tout. Donc al-hayy, ça englobe toutes les sifat dhatiya. قال والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه. Ça englobe جميع sifat al-af'al. لأنه si c'est le qayyum, ça montre que toutes les créatures, ils ont besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il va guider, il va donner, il va élever, il va rabaisser. Il a akhir. Sifat al-af'al. Donc c'est pour ça que بعض العلماء, et c'est un qawl qawi, ils ont choisi un ism Allah azza wa jalla al-a'zam, c'est al-hayy al-qayyum. C'est deux noms quand ils sont rassemblés. Et on a dit minhum al-imam ibn al-qayyim wa hakadha al-shaykh ibn al-uthaymin alayhim rahmatullah. Qala wa qama bi jami' al-mawjudat fa huwa al-ism alladhi tadkhul fihi sifat al-af'al kulliha wa mithluhu ism al-'azim al-kabir alladhi lahu jami' ma'ani al-'azama wal-kibriya. Wa hakadha al-ism al-'azim, il va englober la plupart des sifat. Limadha? Li'an Allah 'azza wa jalla il est 'azim fi hayatihi. Il est عظيم في السمع, il est عظيم في كلامه, il est عظيم في قوته, il est عظيم في رزقه, il est آخر. Donc, العظمة, ça sera un wasf pour toutes ses sifat, et c'est un wasf pour lui, عز وجل. C'est pour ça que بعض العلماء, مثلاً, ils ont choisi هذا الاسم. قال في ذاته وأسمائه وصفاته وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. Et on répète, اسم العظيم, inshallah, on le détaillera quand المؤلف il le citera. ومثل قولك يا ذا الجلال والإكرام فإن الجلال صفات العظمة والكبرية والكمالات المتنوعة والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك. كذلك هذا الاسم سيأتي ذو الجلال والإكرام. سنمونت خلنا بعض الأسماء مركبة. Tu as des noms, c'est un mot comme Allah Ar-Rahman Al-Aziz. Et tu as des mots, tu as des noms plutôt, des noms qui sont fondés sur plusieurs mots. ذو الجلال والإكرام. أرحم الراحمين بعضهم إلى الست وهكذا. قال فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس. هذا قول الشيخ سعدي. Pour lui c'est un اسم جنس. C'est pas un اسم مفرد. Un اسم seul. مثلا الله أو الصمد. Tu dois choisir un nom. Là. Pour lui c'est chaque nom qui englobe beaucoup de sens ou qui englobe le sens des autres noms. Pour lui c'est من الاسم الأعظم. Donc pour الشيخ سعدي رحمه الله ça englobe plusieurs noms. الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام المجيد العظيم الصمد etc. قال رحمه الله وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق كما في السنن أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تستفيد من هذا الحديث أن الاسم الأعظم il est connu. النبي صلى الله عليه وسلم il a montré à cet homme أنه il a demandé à Allah سبحانه وتعالى avec اسمه الأعظم. Et تستفيد من هذا Anna, vous avez remarqué, Anna, cet homme, il a cité beaucoup de noms. Allahumma, inni as'aluk. Il a cité l'afd al-jalala. Allahumma, ça veut dire, ya Allah. Donc c'est l'afd al-jalala, Allah. Thumma, il a cité al-ahad, al-samad. Donc il a cité plusieurs noms. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال, laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam. Il lui a pas montré c'est lequel. Il y a plusieurs noms. Falihadha al-ulama akhtalafu kathiran. La plupart des ahadiths, c'est comme ça. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de l'ism al-a'zam, il y a plusieurs noms. Et il n'a pas dit c'est tel nom. فَلِهَذَا تَسْتَفِيدْ أَوَّلًا أَنَا الْعُلَمَ اخْتَلَفُ ثَانِيًا. Tu comprends le qol de Cheikh Sa'di. Anna, pour lui, ça englobe plusieurs noms. الصمد الله إلى آخره. فَبُرْ لُوِي سَرَنْتْ فِي الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ قَالَ وَكَذَلِكَ الْحَدِيثَ الْآخَرَ حِينَ دَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Vous avez remarqué tous ces noms? C'est pour ça que بعض العلماء ils ont choisi يا حي يا قيوم الحي والقيوم. بعض العلماء ils ont choisi ذو الجلال والإكرام وهكذا. بعض العلماء ils ont choisi الله اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال في الحاشية أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. نعم بكد أحاديث في هذا لا شكل سنة ثابتة. وكذلك قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. C'est deux versets. لكن هذا نعم قال حسنه الشيخ الألباني. نعم بعض الأحاديث فيها التصريح. بعض الأحاديث تتخوفها التصريح أي الاسم الأعظم c'est الاسم. En général ce genre de hadith ils sont faibles. نعم لكن في هذا الحديث vous avez remarqué que deux versets il y a beaucoup de noms. Il y a الإله الله il y a الرحمن il y a الرحيم et dans l'autre verset il y a الله il y a الإله il y a الحي il y a القيوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال dans ces deux versets il y a الاسم الأعظم. فلهذا العلماء اختلفوا كثيرا. قال رواه أبو داود والترمذي فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار لم تكد ترد له دعوة والله الموفق. انتهى. تستفيد من هذا البحث المختصر أن l'essentiel أن المسلم يجتهد. Demande avec ses noms يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب يا أرحم الراحمين. L'essentiel أن العبد tu demandes. Si tu demandes à Allah سبحانه وتعالى sincèrement avec ses noms, فكما قال الشيخ سعدي لم تكد ترد له دعوة. بإذن الله عز وجل cet homme أو cette femme الله سبحانه وتعالى il leur répondra. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il aime qu'on lui demande. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعد من الله. الله سبحانه وتعالى il a promis ادعوني demandez-moi أستجب لكم أي je vous répondrai. فهذا نستفيد من هذا من هذا البحث أن نجتهد في في الدعاء. Il reste quelques فوائد إنشاءالله on fera la révision avec بعض خصائص هذا الاسم أي أن لفظ الجلالة إلى certaines خصائص et des choses qui lui sont réservées. Maintenant, on n'a pas le droit d'appeler un être humain avec hadal ism. Ce ism n'est réservé qu'à Allah. Et on citera quelques points dans le prochain dars. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq.